une histoire particulière. Monsieur Saint-Pierre, je parie 500 francs qu'il n'y a pas une barbe aussi belle dans ton paradis. C'est Clémentine Delay qui disait cela hier dans le premier épisode du documentaire intitulé Phénomène. Clémence Alzard et Christine Robert nous ont offert le très beau portrait de la plus fière et de la plus indépendante des femmes à barbe. Dans les méandres de l'acceptation de sa pilosité, Clémentine Delay va parvenir à faire de son stigmate une force, pleinement assumée. Installée au café de la femme à barbe de la ville de Tans, elle dédicaçait des cartes postales à représentants, barbe magnifique, frisée, fournie, s'épanouissant en un double panache sur la poitrine. Cette barbe et sa force de caractère lui conférèrent une liberté inédite pour l'époque. Ce ne fut pas le cas pour le second portrait que vous allez écouter maintenant. Symbole d'un passé colonial raciste et violent, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Paris des grammairiens qui te veulent nu dans un mauvais poème. Mon spectacle s'appelle On t'appelle Vénus. Tu t'exposes avec des nains, des géants, des bossus. Appelle le passant. Parce que on l'a nommé, c'est pas elle qui a choisi son prénom. Et bien que tu fasses toutes les choses qu'ils exigent de toi. On a décidé de lui donner Vénus Hottentote. Il te file le train. Phénomène. Ils sont patrons. Par Clémence Alzard et Christine Robert. Proxénète, scientifique. On te mesure. Sarah Bartman. On moulera chaque partie de ton corps mort. On l'appelle la Vénus noire. On t'a déjà tiré le portrait. Mais ce n'est pas pour ça que tu voulais franchir les mers. Et Hottentote, ça veut dire dans la langue des Hollandais. Mais qu'est-ce que tu bégayais ? Bégayer. Quand ils ne parce comprennent que rien. Ils estimaient. Que cette ethnie-là, quand elle parlait, elle avait une langue à clic. Et tu es morte à 27 ans. Découpée. Formulée. I am taking pride in the fact that she was a beautiful African woman. Je suis fière qu'elle ait été une magnifique femme africaine. Ugly. By lies, elle a été enlaidie par les mensonges, par les fausses théories scientifiques européennes. Pour moi, remembering her, il s'agit de se souvenir d'elle, de sa souffrance, but also who she was, mais aussi de qui elle était before she was taken over. Avant qu'on l'arrache à sa terre. And for me, I want moi, to je veux me souvenir de cela aussi. Because, you know, being disconnected. Parce que vous savez, from that also, être déconnecté de cette histoire-là, you know, a great injustice. C'est aussi une grande injustice. 200 ans ont passé, tu as refait la traversée. Tu as refait la traversée. La France vient de réparer une injustice de l'histoire. Les restes de la Vénus Hottentote vont en effet être restitués à l'Afrique du Sud. La proposition de loi a été votée à l'unanimité aujourd'hui au Sénat. Cette jeune femme avait été exhibée comme un animal de foire en Grande-Bretagne et en France au XIXe siècle. Sa dépouille mortelle était conservée jusqu'alors au Musée de l'Homme comme un objet de science. Originaire de l'ethnie Khoi Khoi, elle serait née aux alentours de 1789 dans l'actuelle Afrique du Sud. Khoi Khoi, Khoisan et non Hottentote. Ce surnom qu'on lui a longtemps accolé transpire le racisme. L'histoire commence là. Comment la raconter, celle qu'on ne sait pas même nommer? Sarji, la version afrikaner. Sarah, le nom de baptême à Manchester. Sauche, qui serait son vrai nom sans qu'on puisse vraiment l'attester. S. Bartman. Patronyme qui lui aussi porte la marque du colon. Comment la raconter, elle qui fut privée de voix, exhibée, humiliée, disséquée, freak malgré elle, et longtemps prisonnière des seuls récits de ses oppresseurs. Comment la raconter alors sans lui asséner un énième coup de scalpel? Eh bien, ce sont des femmes noires qui ici lui redonneront corps. La poétesse sud-africaine Diana Ferrus, également d'origine Khoisan, et qui a ramené Sarah à la maison, la metteuse en scène Chantal Loyal, qui lui a consacré un spectacle, la performeuse Rebecca Chaillon, hantée par son spectre, avec Fanny Robles, autrice d'une thèse sur les spectacles coloniaux en Grande-Bretagne, elles nous disent toutes le dessin tragique de Sarah, Sarji, Sauche, Bartman, entre Barnum et Muséum, mais aussi sa dignité retrouvée deux siècles après. Fanny Robles, on s'est retrouvés ce matin au Jardin des Plantes, et même plus précisément rue Cuvier. C'est ici que Sarah Bartman a été examinée, dessinée par les scientifiques du Jardin des Plantes en mars 1815. Et à la fin de l'année 1815, elle est décédée. Et elle a été disséquée par Georges Cuvier, qui a pu avoir accès à son appareil génital, a pu le disséquer, le mettre en bocal et le conserver au Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce qu'on sait en fait de comment déjà elle s'est retrouvée en Europe? Comment est-ce qu'elle a quitté l'Afrique du Sud, Fanny Robles? On sait qu'elle accompagne un médecin qui s'appelle Alexander Dunlop, qui est très habitué à amener des animaux ou des dépouilles d'animaux de l'Afrique du Sud vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il y avait des circuits, des marchands, des acheteurs qui faisaient commerce d'animaux et puis progressivement aussi d'êtres humains dans l'industrie du spectacle. Donc quand elle est arrivée avec Dunlop en Grande-Bretagne, Dunlop a essayé de la vendre avec une peau de girafe. Et il faisait une sorte de prix pour quiconque achèterait la peau de girafe aurait également accès à la Vénus Hottentote. Et c'est un impresario, Henrique César, qui était venu aussi avec eux d'Afrique du Sud, qui finalement achète Sarah Bartman. Elle est présentée comme attachée à César, comme sa bonne, dans un premier temps. Donc elle aurait signé un contrat pour performer pour lui. Donc on n'est pas dans le cadre d'achat de personne, mais elle aurait attaché ses services à César. Et en fait, cet homme, il a envie de se faire cette fille, enfin de sortir avec cette fille. Chantal Loyal. Donc, alors je crois qu'il sort avec cette fille, mais qu'il y a quand même un peu plus ou moins une histoire amoureuse. Et puis il lui promet des choses, il lui dit « je veux vous ramener en Europe, vous ne serez pas esclave, je vais vous faire gagner votre vie, vous serez mieux ». Elle pense avoir une certaine liberté quand elle arrive en Europe. Et en fait, elle est privée de parole. Finalement, elle se dit... En fait, elle est esclave en Afrique du Sud. Elle quitte l'Afrique du Sud. Finalement, elle se retrouve esclave. Et finalement, elle pense qu'elle va avoir une certaine liberté. En fait, elle se retrouve enchaînée et menottée, cette femme. Elle n'a plus le choix. Elle n'a plus de choix, en fait. Elle se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne parle pas la langue. Et donc, c'est quelqu'un qui l'utilise pour faire du profit. Il y a une interprétation de liberté, il y a une interprétation autour de la sexualité, il y a une interprétation autour de la violence aussi dans le corps, de ce corps qui est brisé, qui est cassé, que j'enferme, et puis la solitude. En fait, Bartman est exposé à Londres, à Piccadilly. Donc c'est le West End londonien, c'est encore le quartier des théâtres à Londres aujourd'hui. Elle est exposée là-bas comme de multiples curiosités, femme à barbe, nain, géant. Mais ce qui attire vraiment l'attention du public, c'est son procès en 1810, mené par des abolitionnistes britanniques, qui accuse son montreur de l'époque de la maintenir en esclavage, alors que l'esclavage n'existe plus en Grande-Bretagne, dans l'Empire britannique. Et en fait, c'est son procès qui fait sa renommée, qui intéresse les caricaturistes, les chansonniers de l'époque, qui vont la représenter, la parodier, qui vont un petit peu la pousser aussi à quitter Londres et à faire le tour de la Grande-Bretagne. Et ensuite, elle quitte la Grande-Bretagne pour Paris. Ce voyage-là est très certainement amené par peut-être un manque de popularité ou le problème de la légitimité de son exhibition. Parce que même si elle a fourni un contrat en 1810, lors de son procès, même si elle a dit qu'elle voulait se montrer, il y a quand même un sérieux doute quant à la possibilité morale de la montrer. Donc elle arrive à Paris avec ce montreur de bêtes, Réau, qui la montre dans des appartements privés, dans divers lieux. et qui ensuite passe une forme de contrat avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Ils permettent aux scientifiques du muséum de l'examiner et en échange, ils ont un certificat d'authenticité, disant que c'est bien une femme de race Boshiman, comme on disait à l'époque, et que donc c'est un spécimen ethnologique véritable. Souvent on dit qu'elle était montrée et spectaculaire parce qu'elle était noire, mais à l'époque, par exemple, à Londres, il y avait une population noire. Alors certes, chez les dockers, chez les travailleurs, mais elle n'était pas intéressante parce qu'elle était noire, elle était intéressante parce qu'elle faisait partie d'une race particulière. L'amas graisseux qu'elle a au-dessus des fesses, qui en fait une Boshiman stéatopige, selon Cuvier, et le fameux tablier au tantôt, qui avait fasciné les explorateurs européens depuis le XVIe siècle, un appareil génital avec des lèvres vaginales très développées. Dès le départ, la fascination pour le tablier des hottentotes est une fascination d'ordre sexuel. Et l'hypertrophie des lèvres génitales est toujours associée, de la même façon, hein, on pourrait dire aussi pour les hommes, les descriptions de pénis africains, est associée à une sexualité qui serait débridée. Et finalement, le corps africain est réduit à un corps qui recherche le plaisir sexuel. Pour les lèvres de Sarah Bartman, ou les lèvres des Boshiman, le débat autour du caractère naturel ou culturel de ces lèvres-là renvoie toujours à une hypersexualité, puisque si c'est naturel, cela veut dire que ces corps sont naturellement enclins à la sexualité, et si c'est culturel, cela voudrait dire que les mamans toucheraient cette partie du corps des petites filles pour accentuer leur plaisir sexuel une fois la puberté venue. Voilà, j'ai des faits, je suis très calipige. Vous connaissez pas la Vénus calipige ? Calipige, ce sont les femmes qui généralement ont une taille très fine et des fesses très rebondies, pour faire simple. On parle aussi de stéatopigie. Donc on disait que la Vénus, elle était stéatopige. C'était encore plus. C'était comme si on avait posé deux melons sur l'arrière-train. Donc c'était encore plus énorme. Quand j'étais dans la compagnie Montale Vouervieux, moi j'ai fait beaucoup d'humour avec ce corps, mais en même temps il y avait quand même, bien 200 ans après, les mêmes questionnements au niveau du public. Chantal Loyal est seule sur scène. Elle tourne lentement sur elle-même, comme un mannequin dans sa vitrine. Corps exhibé. Spectateur voyeur. Elle joue de ce malaise. Accentue sa cambrure et se tape les fesses. Les gens se posaient encore beaucoup de questions en disant « Est-ce que ce sont ses vraies fesses ?» Enfin, il y avait tout un mythe sur le fait que ça ne pouvait pas être mes vraies fesses. Donc du coup, il y a eu ces questionnements et à un moment donné, je me suis dit que moi, j'avais fait beaucoup d'humour, que j'étais quelqu'un de plutôt très joyeuse dans mon travail en général, que ce soit avec des compagnies ou des chorégraphes qui m'invitaient à danser avec eux ou moi-même dans mon travail. Et là, je me suis dit peut-être que je peux passer à quelque chose de plus sensible parce que là, il y a une vraie violence à défendre, à redonner une vraie dignité à cette femme. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être passer à ce sujet et travailler sur ce thème de société qui est vraiment la violence faite aux femmes, que ce soit il y a 200 ans ou que ce soit aujourd'hui. Diana Ferrus. You know, there will be discussion on how she is represented. Il va y avoir des discussions sur comment la représenter. What do you show of her in this age and time? Que montrer d'elle? Do you still show? Voulons-nous la montrer comme ils le faisaient? The perspective that they looked? Selon leur perspective, comme ils la regardaient? That is a question to ask. Ce sont des questions que nous devons poser. You are about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you The Hottentot Venus. Je décide d'écrire l'histoire et j'arrive, je mets du temps, je cherche des moyens pour faire la pièce. Et en 2011, je fais la pièce en Martinique. Et en octobre 2010, Abdelatif Kechi sort le film, La Vénus Noire. J'avais été approché pour le film aussi. Et je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait le film, parce que je suis pas trop d'accord en fait du traitement du sujet, mais c'est personnel. Hein. Il la met en scène dans les bordels de Paris. Une telle violence, ça me renvoie. Ça existe tellement encore, ça, que je trouve que c'est dur de le remettre encore et d'enfoncer le clou. J'ai l'impression que dans le film, ça donne encore quelque chose qui pourrait être encore permis, en fait. C'est ce que ça m'a renvoyé. Alors peut-être parce que je suis femme noire, je sais pas. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet Hottentot et Laurent Houtan. Allez, dépassez votre gêne. Gang Spiel, mes filles. Mesdames et messieurs, la Vénus Hottentot. Croyez-vous en notre Saint-Sauveur? Elle est baptisée. Ah. Et quel est son nom de baptême? Sarah. Sarah, c'est ravissant. Sarah, peut-on lui toucher les cheveux? N'ayez crainte, allez-y. J'allais voir une amie à Villiers-sur-Marne et j'ai vu Rebecca Chaillon. Les affiches pour l'audition du film de Kechiche, où il cherchait des femmes noires avec un corps calipige, enfin des fesses calipige. Et du coup, je savais pas trop, je me suis dit, bon, moi j'ai des grosses fesses, ça devrait suffire. Et... Mais je me suis pointée et l'audition, ils avaient déjà trouvé quelqu'un, donc c'était fermé. Donc après, j'ai commencé à me renseigner pour savoir qui c'était et constater en effet que j'aurais peut-être pas pu auditionner. En tout cas, c'est ma première rencontre avec et c'est vraiment plus tard que j'ai compris. Voilà. Qui elle était? Oui, qui elle était, puisque ça, ce en quoi ça parlait de moi aussi, ou d'une histoire qu'une femme noire peut vivre en France, dans quoi ça symbolise un passé raciste, colonial, une hypersexualisation, un exotisme de la femme noire. Voilà, je trouve ça un symbole très fort pour ça. Et du coup, ce que j'ai rencontré à travers Sarah Bartman, c'est aussi l'endroit d'exhibition plus ou enfin pas consenti, puisque du coup elle était manipulée, esclavagisée et tout ça, mais il y a eu un moment où pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi avoir à boire, avoir du tabac, elle se retrouvait à jouer aussi un personnage, le personnage de la sauvage pour un public et donc il y avait un endroit comme ça un peu d'assimilation totale à un système raciste et colonial. Mais voilà, des fois je me pose des questions à cet endroit-là et du coup j'y trouve des échos. J'ai toujours cherché à créer des personnes, des figures de moi, créatures ou monstrueuses, des femmes animalisées, des femmes sirènes, des femmes viandes, des femmes poulettes, des meufs avec meuf, enfin M apostrophe œuf, enfin voilà des femmes aliments, des femmes à manger, à dévorer par les autres ou qui se mangeaient elles-mêmes. Là, dans ma dernière performance, Carte Noire nommée Désir, on fait deviner au public plein de figures de femmes noires célèbres ou de produits. On se recouvre de caramel et puis on demande à deviner au public et puis ils disent Twix et puis ils sont contents sur le coup d'avoir compris. Puis après ils se disent mon Dieu, c'est horrible, comment je peux assimiler une personne à un aliment. Et puis on en arrive de plus en plus, voilà, à faire deviner des trucs de plus en plus gros, Joséphine Baker, dès qu'on se met une banane quelque part, et puis voilà. Et à un moment, je prends un jambonneau, j'écarte les jambes, je prends un jambonneau et ma collègue est perchée sur des talons de 15 cm, et elle vient me découper le jambonneau à l'endroit du sexe, quoi. Et donc, il y a un grand malaise, et les gens disent « Vénus noire !» Et bon, elle est là tout le temps. Dès que je montre des parties de mon corps nu en scène dans ce corps de femme noire grosse, je pense maintenant à ce que moi je veux montrer de quelqu'un qui apprend à être fier, qui apprend à devenir puissant avec ça, mais aussi je prends en compte maintenant le regard de ceux qui n'y verraient qu'un corps voluptueux, je ne sais pas comment dire, soit sauvage, soit excitant parce que différent, exotique, enfin tout ça. Donc voilà, je suis en conscience de ça, et j'entendais que dans la fin de sa vie, elle aussi, elle avait compris l'endroit de manipulation claire qu'elle avait vécu, donc elle a aussi eu le temps d'être en colère, et puis après, elle est décédée très jeune, mais bon voilà, il y a un endroit où je reprends pas le flambeau, mais on reprend des combats d'un passé comme ça, un peu l'imaginaire d'un passé qui nous revient. Un visage et un corps devenus historiques. France 2, 2002. Sarji Bartman, mieux connue comme la Vénus hottentote, n'avait que 27 ans quand elle est morte. C'était en 1816, après avoir été exhibée en Angleterre et en France comme une bête de foire et un objet de curiosité sexuelle. Si son corps a traversé les siècles, c'est toujours en étant exhibé, mais cette fois-ci dans un musée d'histoire naturelle de Paris. Le moulage de son corps et son squelette y sont restés exposés jusqu'en 1974. Une dépouille symbolique que l'Afrique du Sud réclamait depuis 6 ans et qui vient de lui être rendue. I've come to take you home. Home. Remember the fact. The lush green grass beneath the big oak trees. The air is cool there, and the sun does not burn. I have made your bed at the foot of the hill. Your blankets are covered in buchu and mint. The proteas stand in yellow and white. And the water in the stream chuckles sing songs as it hobbles along over little stones. I've come to wrench you away. Away from the poking eyes of the man-made monster who lives in the dark with his clutches of imperialism, who dissects your body bit by bit, who likens your soul to that of Satan and declares himself the ultimate god. Le poème de Diana Ferrus est contenu dans la loi qui permit la restitution des restes de Sarah Bartman à l'Afrique du Sud. Pour moi, ce qui compte désormais, c'est qu'elle est rentrée à la maison. Vous savez, quand je récite mon poème, les gens pleurent. Et avant, je me demandais, mais pourquoi pleurent-ils ? Et j'ai réalisé qu'ils pleuraient parce que son histoire, c'est aussi leur histoire. Quand elle se tenait debout, mais brisée dans le musée à Paris, notre peuple aussi était brisé, humilié. Ainsi que tous les Noirs partout dans le monde, à cause des théories de Cuvier et de Saint-Hilaire et d'autres scientifiques racistes après eux. Partout dans le monde, les Noirs en ont souffert. Sarji Bartman est devenu un symbole pour le peuple sud-africain, le symbole d'un pays qui a besoin d'être confronté et de connaître son passé. Un passé teinté d'esclavage et de colonialisme. Hier, par cette cérémonie solennelle, presque un hommage religieux, l'Afrique du Sud a voulu réaffirmer sa dignité. Oh mon Dieu, j'étais si proche des Français, si proche de là où Sarah avait été humiliée. Je ressentais une telle colère et je me suis dit, c'est ton moment, Diana. Tu dois t'emparer de ce moment parce que c'est historique et cette responsabilité t'incombe. Et vous savez, quand ça a été mon tour de réciter mon poème, notre ambassadeur m'a glissé, tu dois te dépêcher car le premier ministre français doit aller quelque part. Je n'ai rien répondu, mais je me suis écriée dans mon fort intérieur. Comment peux-tu me dire ça? Je ne vais pas me dépêcher. Qu'est-ce qu'il croit? Comment oser dire une chose pareille en cette occasion si importante? Il veut qu'on en finisse avec cette cérémonie? Alors que nous rendons à Sarah sa dignité, notre dignité, toi, tu me dis qu'il veut que je me dépêche? C'est le principal souvenir que je garde de ce jour. Comme cela m'a mise encore plus en colère. Et surtout, comme cela m'a fait prendre mon temps. Maintenant, je suis très fière et je dis aux gens, j'ai fait attendre un premier ministre français pour tout ce que vous avez fait. Je ne peux rien vous faire, mais là, oui, c'est mon moment. pour lequel vous allez attendre. Vous allez écouter mes mots. Et vous allez écouter ma chanson. Je suis venue pour te ramener à la maison. La maison. Te souviens-tu du Veld ? De l'herbe verte et gorgée de sève sous les grands chênes. Là-bas, l'air est doux et le soleil ne brûle pas. J'ai préparé ton lit au pied de la colline. Tes draps sont recouverts de bouts de choux et de menthe. Les protéas sont vêtus de jaune et de blanc. Et l'eau dans le courant chuchote des chants monotones, tout en trébuchant sur de petites pierres. Je suis venue pour t'arracher au malheur, loin des yeux fourrageurs de l'homme devenu monstre, celui qui habite dans les ténèbres, avec ses griffes d'impérialiste raciste, celui qui dissecte ton corps, morceau par morceau, celui qui compare ton âme à celle de Satan, et se prend lui-même pour le Dieu absolu. Je suis venue pour apaiser ton cœur lourd, je t'offre mon sein pour reposer ton âme fatiguée. Je couvrirai ton visage avec le creux de mes mains. Je ferai courir mes lèvres sur les lignes de ton cou. Je régalerai mes yeux de ta beauté et je chanterai pour toi. Car je suis venue pour t'apporter la paix. Je suis venue pour te ramener à la maison, là où les antiques montagnes crient ton nom. J'ai préparé ton lit au pied de la colline. Tes draps sont recouverts de bouts de choux et de menthe. Les protéas sont vêtus de jaune et de blanc. Je suis venue pour te ramener à la maison et je chanterai pour toi car tu m'as apporté la paix. Diane Ferrus. Black women have been ridiculed and oppressed for all the reasons that Sarah have been oppressed. For being black. Les femmes noires, elles ont été tournées en ridicule et opprimées, exactement pour les mêmes raisons que Sarah. Parce que noire, for being, you know, parce que africaine, parce que pauvre, for being a woman, parce que femme, for having a body. Parce qu'elles avaient un corps. This is still happening. C'est encore valable aujourd'hui. And that's why, you know, the struggle. C'est pour cela que la lutte pour la justice, pour l'émancipation, doit continuer. Sarah est rentrée à la maison, mais les atrocités commises contre elle, la violence qu'elle a subie, les abus sexuels, cette exploitation. Je pensais, et beaucoup pensaient comme moi, que maintenant que son histoire reposait ici dans la vallée où elle est enterrée, cela éveillerait les consciences. Mais elles sont toujours là. Toutes ces persécutions contre les femmes, et particulièrement contre les femmes noires. C'était Sarah Bartman, on l'appelle la Vénus noire. Avec Chantal Loyal, Fanny Robles, Rebecca Chaillon et Diana Ferrus. Et avec la voix de Sabine Pacora. Lecture Rebecca Chaillon. We will lay you down to rest. For it is there that you come from. It is there that you come from. Prise de son Loïc Duros, mixage Julien Douminc, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Clément Salzar réalisé par Christine Robert. It is there that you come from. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'un nouveau lieu chargé d'histoire avec un grand H, mais c'est une autre histoire avec un petit H.